شافع الأمة وزاد زاد المدينة Yes. Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous. Hop, pardon. Oui. Petit. Bonsoir, voilà. C'est bon. C'est bon. Ça sature. Hop là, ça va. Alors, un entretien de bonjour Socade Rude. Bonjour. C'est comme ça que tu veux être dénommé ? Ouais, c'est mon nom sur deux scènes, mais Nicolas. Bon, ça va faire de Nicolas. Mais... Voilà, ouais. Soc, je peux t'appeler Soc. Tu peux m'appeler Soc. Très bien. Donc, tu as ramené des cassettes. Ouais, voilà. Chopées dans les magasins et ailleurs. Voilà, l'idée, c'était de. Une fois que tu m'avais proposé l'invitation, je trouvais ça assez sympa de faire un thème sur le raï et les musiques maghrébines des années 80-90 qui ont été principalement diffusées sur le média La Cassette. Hein. Et Rhône-Alpes, ouais, on a eu beaucoup de labels, enfin de maisons d'édition à Lyon notamment, quartier de la Guillotière. Aussi yes. En France, donc Marseille, Paris. Mais en Rhône-Alpes, on a eu Lyon, il y avait aussi en Annemasse, là, je vois. Voilà, donc ce qu'on vient d'écouter, là, c'est la seule que j'ai d'Annemasse, mais il y avait aussi à Chambéry. Donc il y avait pas mal d'artistes comme ça qui étaient très productifs dans les années 80-90 et qui ont produit beaucoup de cassettes. Et au-delà de la musique, c'est aussi des objets qui sont, qui moi, m'attiraient beaucoup de leur visuel. Yes. Ça raconte une histoire de la France qui est assez. On sait si c'est des gens qui habitent en France ou c'est des. Alors c'est je pense que une grande partie habitait en France, oui. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Très bien. Donc c'est des édition et distribution française, quoi. Oui. Ouais. Oui, oui. D'accord. Donc là c'était Abdel Wahab Steifi et le groupe Chouben. Chouben. Je vais pas. Voilà. Je vais pas dire le titre car je vais mal le dire. Très bien. Donc super. Moi j'ai qu'une cassette et deux disques. Deux disques. Voilà que je passerai un peu plus tard. Ouais. Je t'ai coupé la parole. Hein, non, mais j'avais fait rapidement le tour, dire que au-delà du contenu musical qui après on n'aime pas, mais qui pour moi était très intéressant, c'est qu'ils utilisent les mêmes outils que la house music ou la techno à cette époque, donc des synthés, des boîtes à rythme, les mêmes outils pour un résultat complètement différent. Donc quand on aime ces sonorités synthétiques, on est assez attiré par ces cassettes et notamment ces morceaux, parce qu'on reconnaît ces instruments, et puis on sort du carcan club. Plus de guitare quand même. Plus de guitare, je pense qu'il y a... Ça dépend lesquels. Ça dépend. Ouais, ouais. Ouais. Donc on entend des instruments avant, mais parfois ils sont joués sur synthétiseur. C'est assez drôle parce qu'on sent que c'est fait avec très peu de moyens. En même temps, c'est des morceaux très riches. Il y a des très belles mélodies, il y a du chant. Et parfois, on retrouve des petits effets ou des samples. On va voir un peu dans les morceaux qu'on joue. C'est assez drôle. Bon, après, on doit manquer 50%, 60% du contenu. Enfin, bon, oui, les paroles, apparemment, c'est aussi, les paroles sont extrêmement importantes. Donc, souvent, il y a des thèmes qui reviennent. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, mais il y a eu un gros travail fait par le Centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes qui a fait un joli coffret et qui rassemble sous format CD aussi beaucoup de morceaux de ces artistes. Et on retrouve trois thèmes généraux qui sont abordés, qui sont en général l'exil et l'appartenance, les chroniques politiques et sociales, la vie quotidienne, mais aussi l'amour, l'amitié et les trahisons. Et c'est les trois... Oui, donc il y a trois CD dans ce coffret qui sont regroupés... Les morceaux sont regroupés sous ces trois voilà. thèmes. Voilà. Donc, il faut préciser qu'on ne va pas écouter ce coffret parce qu'il y a déjà eu un gros travail qui a été fait. Et c'est pas que raï, quoi. C'est pas que raï. Donc voilà. Donc aussi, en préambule, on fait bien dire qu'on n'est absolument pas des spécialistes de raï et de ses musiques. Non. Qu'on a une appétence pour ces objets, pour cette musique, mais en aucun cas on va essayer de faire un travail, académique sur l'histoire et les différents genres de cette musique. Là, c'est une approche vraiment d'amateur et ça s'arrête là. J'ai une question. Je vois que sur ce coffret-là que tu as montré, il y a Sta-Fi qui est présenté comme un style. Et il y en a aussi. Et il y en a. Sta-Fi fait aussi partie des noms de scène. Exactement. Des, voilà. Donc c'est un mystère. Je sais voilà. pas. Voilà. Bon. Bref. Très bien. On n'a pas plus creusé. Non. Volontairement pour rester en surface et pour pas non plus faire un travail faire un peu malins. Trop. Voilà. Exactement. Très bien. Donc partons sur un nouveau morceau. Voilà, de Samir Sta-Fi. Donc. Allez, Samir Sta-Fi, c'est parti. Alors comment ça marche? Ça marche bien ou pas? Ouais, il y a un petit blanc, c'est le début. Voilà. Ok. Thank you. انا الخروطية يا رخر وطني يا لوهد الزين انا رحك تنية Thank you. فين انا راه قتلني Yes, toujours présent sur. Oui, c'est marrant, c'est un morceau qui, je pensais, durait 6 minutes 30, mais il y a un autre morceau qui débute après. Bon, ouais. Voilà, Cheb Yassine El Abassi. Cheb, c'est pareil. Enfin, pour. Ouais, pas pour nous, mais pour. Donc, on retrouve le El Abassi. De Drissi El Abassi, donc de Sidi Bel Abbès. Voilà. Voilà, c'est ça, d'accord. C'est ça. Donc un morceau un peu plus traditionnel dans les musiques, dans les instruments. Ouais. Enfin, disons qu'il n'y a pas de, a priori, c'est pas de boîte à rythme. Il y a des percussions. Il y a que des instruments, quoi. Enfin, non, pardon. Il y a que des, je sais pas comment dire. Ouais, il y a pas de boîte à rythme, mais très peu de synthé. Pas de synthé, j'ai l'impression. Enfin, c'est un accordéon. Et ce son de guitare là, un peu psyché, quoi. Une finalement, un peu, wah-wah, qui. Je sais pas si c'est un truc de Sidi Bel Abbès, mais on retrouve ça aussi chez Drissi El Abassi. Mm. Voilà. Voilà, donc un peu un contre-pied à ce que tu avais mis avant. Oui. Stylistiquement, on va dire, mais on peut y revenir à cette voilà. Enfin, cet aspect oui, bah, rythme et synthé. C'est ça, c'est dans que dans le rythme. Ouais. Les cassettes là qu'on présente aujourd'hui sont sensiblement de la même période, donc à savoir milieu des années 80 jusqu'au début des années 90. Donc c'est vrai que après avoir les raisons pour lesquelles ils ont préféré utiliser vraiment des boîtes à rythme, des synthés, je pense qu'il y a aussi un moyen d'économie, enfin très pragmatique, hein, de pas avoir à faire jouer un orchestre dans un studio. Ouais. En général, c'est pour ça qu'on a utilisé toujours ces instruments synthétiques. On peut dire. Et c'est ce qui crée ce rendu qu'on peut qualifier parfois un peu cheap ou mais pour moi qui ont autant de résonance que des morceaux de house, ghetto house de Chicago qui ont été faites dans cette espèce d'urgence et de on va dire de naturel, quoi. Ça sort comme ça sort. Après, il n'y a pas un gros travail de mastering, il n'y a pas un gros travail de post-production. Non, c'est enregistré, c'est pressé, c'est diffusé, quoi. Ouais. C'est l'instantanéité qui fait le charme et on va dire le naturel de ces enregistrements, quoi. La spontanéité. Ouais, exactement. Et alors là, tu as préparé un morceau de Cheb Abdelhak. Voilà. Donc Cheb, ça veut dire jeune. Ça veut dire jeune, voilà, exactement. C'est peu de choses, mais. Donc tous les Cheb, un jour ou l'autre, voient le Cheb devant leur nom disparaître. Donc le morceau, c'est Bouya Ya Bouya. C'est parti. Ok. Thank you. Yes, Cheb Abdelhak. Ouais. On peut laisser la, ouais, en fond, oui. Pour, oui. Avant d'introduire la prochaine. Alors pas de très peu d'infos. C'est sorti sur les éditions Faisal. L'édition Faisal. La date est inconnue, mais apparemment c'est la dernière sortie cataloguée. Voilà. Enfin, inconnu. Bon, on regarde sur Discogs. Hein, voilà, j'avoue. Alors Cheb Abdelhak, il suffit de regarder sa discographie. On voit que c'est un artiste qui a été très productif. Je pense qu'il est relativement connu des amateurs de musique raï, ou du moins maghrébine. Et il y a même un album qui s'appelle Vive MPO. C'est les matières plastiques de l'Ouest. Peut-être. Je ne sais pas. Bref, voilà. Ouais, donc c'est 80, ouais, milieu des années 80. Quoi. Ouais, principalement c'est les années fin 80. C'est l'âge d'or des cassettes. Eh oui, eh ouais. Et alors, bon, on va préparer la suivante. Ouais. Ouais. Donc on essaie de trouver aussi le. Bon, si les musiciens étaient répertoriés, bon, c'est bien sûr. Il y a très peu d'informations sur le contenu de ces cassettes. La majeure partie des informations est sur la pochette elle-même des cassettes. Donc en général, il n'y a pas l'année. C'est-à-dire un nom et une photo, quoi. Voilà, avec quelques titres de chansons et un référencement d'édition. Donc FA, Faisal Edition numéro 18. Maintenant, on va passer sur une autre cassette, donc qui sont des éditions Bouarfa, si je ne me trompe pas. Sedika. Sedika. Alors Sedika, ouais. C'est la distribution et l'édition. Ouais. C'est ça. Ouais. Sedika même. Sedika, la distribution. Voilà. Et édition. Ouais, c'est ça, Bouarfa, distribution, ouais, Bouarfa. Donc voilà, qui sont lyonnais et parisiens. Et ben, allez, c'est parti. Ouais, Zawani. Zawani. Alors, on va écouter la track numéro 3, donc une instrumentale assez rigolote, avec justement des petits effets, des samples. Allez, c'est parti. We'll be right back. Yes. Cheb Khaled. Young Khaled. Bon, pour l'anecdote, c'est un best-of de Cheb Khaled que j'ai trouvé à Douarnenez. Voilà. Mais très bon morceau. Truc, hein. Truc 29. Ouais, il y a que des bons morceaux sur cette cassette. Non, mais il y a des super morceaux. Non, mais c'est très sérieux. La face B étant. ça, c'est son tube, je crois. Non, El Kouch. El Kouch et Moul El Kouch. Enfin. Voilà. On continue sur toujours la même période. Toujours la même période. Plus ou moins. Cette fois, on va changer d'artiste. On va écouter Hossein Charoui. C'est aussi une production Sedicav et une distribution Boarfa. Et toujours pareil, on n'a pas beaucoup d'infos, on a une jolie photo, on a une belle cassette et on a des bons morceaux, ce qui suffit en général. Ok. C'est parti. Allez. Thank you. magnifique. Voilà, donc un morceau presque ambiante. Ouais. Enfin, ouais, oui, carrément ambiante. Comme une intro qui n'est pas une intro, parce que c'est le morceau. Exactement. Disait, hors antenne. Donc, si on écoute bien, on pouvait retrouver un espèce de d'esthétique un peu new age avec des samples, enfin avec des synthés. C'est la new age qui a pris ces. Voilà, il y avait aussi du synthé, des nappes. Des samples de vagues. Des samples de vagues, absolument. C'est assez rare, c'est anecdotique, mais dans ces musiques qui n'ont rien à voir avec le sample a priori, qui sont pas des musiques club, qui n'ont pas, pas la culture de la. De la musique, on va dire, urbaine occidentale, et il est assez rigolo et notable de voir que eux aussi ont samplé, eux aussi ont mis des effets dans leurs morceaux. Alors, est-ce qu'ils ont été inspirés? Est-ce qu'ils ont inspiré? À ce stade-là, je saurais le dire, mais voilà, c'est simplement sur le rendu plastique qui est intéressant de noter. Pourquoi ils n'auraient pas pu le faire, enfin, bon, c'est... Oui. Ça me semble... Mais comme quoi, ce qui est très intéressant, et là je sors du sujet rail, mais quand on prend la musique d'Afrique du Sud, c'est ce même ressenti, c'est les mêmes outils qui ont été utilisés à peu près à la même période, mais pour des rendus complètement différents, et parfois on voit même des méthodologies, donc des ajouts de samples, d'effets qui sont communs à ces différentes scènes, bien qu'éloignées. Voilà, c'est marrant de faire ces petits rapprochements. C'est des petites choses qui me permettent de me rattacher. C'est des rapprochements de technologie, quoi, finalement. Voilà. Enfin, si des personnes utilisent les mêmes outils, a priori, ils vont utiliser les mêmes fonctionnalités des outils. Enfin, je veux pas. Bon, oui. Tu vois. Après, non, mais c'est ça. On retrouve ces liens qui tissent des passerelles entre ces pays et ces musiques. Donc, c'est assez intéressant. C'est vrai. Là, on continue sur Hossein Chaoui pendant qu'on discute. Tu voulais mettre un morceau, peut-être là-bas. Ouais, mais y a ton. Je voulais mettre un disque et il y a le. Autant pour moi. Alors, on va aller un petit peu en arrière avec ce qui est nommé comme Proto-Rail Underground sur la pochette. Bon, qui est un très beau disque, ce disque. Très beau disque, ouais. Sorti dans les années 2000. Sur Sublime Frequencies, Alan Bishop, voilà, qui est une compilation de plusieurs artistes oranais et de groupes oranais. Donc c'est fin 70. Voilà, ouais. Donc c'est une compilation, oui. Fin 70. Elle est intéressante. C'est des enregistrements des groupes qui jouaient dans les cabarets à Oran. Donc là, comme tu disais, on revient en arrière chronologiquement. On n'est plus dans l'utilisation des instruments numériques, digitaux. Et on repart sur des formations plus traditionnelles, on pourrait dire. Alors là, c'est... Itaï Basgir, malgré tout. J'ai choisi pour son titre français, bien entendu. ويا راي درتي في رايك وانا عواشقك وهاي ويا راي ودان داني داني يا راي وين الدويني مزين بغيك ويا راي درتي في رايك وانا عواشقك هاي مزين بغيك يا رايه دايره في المنكر ماشي فيني من الصباح ليا هاي ما لقيتو مزيان بيه ما لقيتو مزيان بيه ويا ريا وانت ليا وانا ليك خلينا هماي ما لقيتو مزيان بيه ما لقيتو مزيان بيه يرحم والديك هاي ما لقيتو مازال نبغيك ما لقيتو مازال نبغيك ما لقيتو مازال نبغيك ما لقيتو مازال من غير خطيك هاي قلبي قلبي ها قلبي ها قلبي هي ويا ريا في طريت منيتك والله غير هديتك هاي ما لقيتو مازال نبغيه ما لقيتو مازال نبغيه Malgré tout, mal quoi, malgré tout. Malgré tout, on continue l'émission. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, jusqu'à encore. Jusqu'à encore. Une demi-heure. Jusqu'à encore une demi-heure. Jusqu'à 19h30. Pendant encore une pendant demi-heure. Encore une voilà, donc c'était Bouteille Basse Gear, malgré tout. Oran. Donc on se posait quelques questions sur pourquoi ce disque a été vendu sous compilé sous le mis sous le label sous l'étiquette Proto Rail et Underground en plus. Underground, bon voilà, bref, peu importe oui, les bon. Stratégies c'est marketing. La musique, c'est la musique des cabarets d'Oran à la fin des années 70. Voilà. Donc il y a des cuivres et il y a peut-être un côté y a beaucoup de cuivres, trop, y a des trompettes. Trop festif. C'est trop ouais. pour être considéré comme du rail. Bon, pour moi c'est du rail. Enfin l'esprit est là quand même. Un truc un peu quand même plaintif quoi. Plaintif. De mélancolie. De plainte, quoi, de mélancolie. De je sais pas. Ouais. Tani, ouais, je sais plus. Il y a plein de mots qui. Ouais, j'arrive pas. Merci. À me débarrasser. Alors c'est, voilà. c'est une super compile, tu l'as dit, tu as donné la référence Sunblind Frequencies. Yes. 1970, Algerian Proto. Ouais. Et c'est Hicham Chadli que je salue ici, qui a rassemblé les morceaux, je crois, enfin qui a aidé à la constitution de cette compile, et qui a fait les notes. Voilà, j'en profite du coup. Non, mais je passerai un morceau d'un disque qu'il a sorti récemment de Drissi à la basse. En plus, on en a parlé, il faudra le jouer, forcément. Et en plus, je passerai un morceau avant, bon bref, on verra plus tard. Voilà. Mais voilà, moi, c'est bien parce que toi, c'est plutôt ambiance cassette, boîte à rythme, et moi, c'est plutôt ambiance rock, entre guillemets, les morceaux que j'ai choisis, plus ou moins. C'est intéressant à l'écoute parce qu'on peut apprécier l'évolution aussi des genres, des formations. Bien sûr. Voilà, c'est bien d'avoir de scanner ces deux volets, on va dire. Ouais. Et moi j'aurai un morceau après à la fin de plus contemporain à mettre. On n'a pas mis beaucoup de Sheba, de femmes. Non. Alors, toi j'en ai. Ouais, moi j'en ai pas non plus. Alors moi j'ai Sheba Mouna. Ouais. C'est une cassette. On pourra, si on a le temps, en mettre un à la fin. Mais elle a une voix d'homme, donc c'est. Ben, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que assez les femmes chantent comme des hommes. Ouais. C'est assez compliqué de déceler, parce que c'est une cassette, il faut le dire, hein, il y a Sheb Rabba et Sheba Mouna. Et en réécoutant, c'est pas si évident de déceler qui est l'un, qui est l'autre. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi j'ai un morceau de Sheikha, une des premières femmes à avoir fait avoir chanté du raï, Sheikha Rimiti. Voilà, ce qu'on perçoit, c'est que c'est une voix très, très masculine. Voilà, peut-être qu'on pourra le mettre après. Avec plaisir. Voilà. Alors, tu as préparé une cassette qu'on va entendre. Alors là, on va passer sur un artiste au même titre que Sheb Abdelhak, qui est assez connu, qui a fait beaucoup de sorties, qui a un beau physique. C'est Sheb Tahar. Ouais. Donc, une belle voix, avec des belles productions. Et un minois qui fait que on l'apprécie d'autant plus. C'est parti. Et Sheb des musiciens anonymes. Et c'est la première Manani Blaté. Excusez-moi pour la prononciation. Bonne écoute. Thank you. Yes. Sheptar. Ouais, en fait, finalement, c'était Zina Zina. Oui, c'était Zina Zina. Un ordre des morceaux faux. C'est sur ça. Sur la cassette. On se fait avoir. On se fait avoir, ouais. Donc, j'allais faire un petit peu de... Je sais pas quoi, non, de rien. Enfin, je vais mettre un extrait d'un morceau de Chab Yassine. Ouais. Dont j'ai déjà mis un morceau, qui est en fait le même morceau, qui sera joué ensuite par Drissi El Abassi. Voilà, pour voir la variation. Alors je ne sais pas qui est l'auteur. Voilà, on va faire ce truc. Ya la wajda, ma nzouj ma nbnida, morceau de Drissi de Sidi Bel Abbès. Ouais, superbe. Le titre, je crois, il me semble dire je ne me marierai pas et je ne construirai pas de maison. Il me semble. C'est assez radical, voilà. C'est bien. C'est la liberté. Ben en fait, je crois que c'est plutôt il pourra pas parce qu'il vient de se séparer. Je crois que c'est ça. Il me semble. Enfin, vu la teneur du morceau, j'ai pas l'impression que ce soit un mec qui dise. Ouais, c'est pas un chant d'émancipation, c'est plutôt un chant de déception, quoi. De déception, ouais. De frein, d'accord. Bon, mais comme souvent dans les termes abordés, hein, on le voit, c'est souvent la mélancolie, l'amour déchu, l'exil. On le répète encore une fois, mais c'est vraiment des thèmes centraux et des thématiques qui sont chères aux chanteurs de raï. Ouais, et à d'autres chanteurs aussi. Enfin, je veux dire, la tristesse est quand même. Elle en a fait des morceaux. Très puissante. La tristesse en a fait des morceaux. À peu près 90% des morceaux. La tristesse et l'amour. L'amour déçu. Très bien, donc Drissi El Abbassi. Ouais, sur Nashas Phone, sorti l'année dernière, 2020. Un très beau disque. Ouais, compilation. Ce morceau aussi, là, c'est super, mais bon, on va pas le mettre. On va revenir On va retourner au... Ouais, il nous reste que 16 minutes. On va retourner aux cassettes. Allez, bah, moi, je une dernière, si ouais. Le temps nous le permet, on verra pour la suite. Celle-là est assez particulière parce que, déjà, dans le visuel de la cassette, bon, y vous ne pouvez pas le voir. Voilà. Bizarre. Étonnamment, c'est la seule que je possède et il y en a assez peu comme ça où on voit une côte. Avec un phare ou une mosquée, enfin une construction au soleil couchant. Juste le nom du groupe, Nat El Mana. Et on sait assez peu de choses là-dessus. Par contre, la cassette est assez particulière. C'est un espèce d'EP où il y a un thème qui se déroule tout du long de la cassette. Et les variations se trouvent seulement dans quelques nuances de chant. Parfois, il y a du français. Et parfois, il y a des éléments rythmiques un petit peu plus marqués ou en retrait. Et le morceau que j'ai choisi, c'est vraiment le morceau où la rythmique est assez appuyée. Et on va voir, il y a un pied assez régulier qui est assez entêtant, entraînant. À la boîte à rythme. À la boîte à rythme. Et un chant d'enfant ou de jeune femme, on ne sait pas trop. C'est, c'est assez répétitif, mais c'est une très belle cassette. Et c'était intéressant de vous la passer. Nat El Mana. Parce qu'elle aussi, elle change. Enfin, tu voulais amener une sorte de variété dans les morceaux. Exactement. Merci. L'édition Disco El Houdoud présente. Nat El Mana. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai Yes. Hop. Un seul morceau. Du coup, c'est le. Pardon, Pardon. Je suis un peu bas. Voilà. Tu n'étais pas. Du coup, c'est le même thème qui continue après. C'est ça que tu disais. Plus ou moins. Bah alors non, là en question non. Non, mais okay, c'est vrai que sur la cassette, à part un ou deux morceaux qui différencient, on retrouve le même thème. Okay. Parfois chanté en français, donc il y a un morceau qui s'appelle Je t'en prie chérie, qui est plutôt le même que Fatma à Fatma. Voilà. Ok. Très belle cassette. Donc là c'était Rai al Rai. Donc le Rai, pour le dire vite, ça veut dire opinion, point de vue. Voilà. Libre à vous d'interpréter. Pardon ? Libre à vous d'interpréter par la suite. Voilà. Sûrement, il y a d'autres synonymes. Enfin bon, oui, sûrement. Mais comme on vous l'a dit, là, on fait une émission de, on va dire, de néophyte. Ouais, on ne fait pas l'exégèse de. On le dit plusieurs fois comme ça. On est sûr. On comprend bien qu'on le fait pas. Ok. Bah, il reste quelques minutes. 8 minutes. Moi j'ai un morceau qui dure 6 minutes 54. Donc, 7. Donc il nous reste une minute voilà, à combler. À combler, où on pourra parler à la fin. On pourra dire au revoir après ce morceau. Voilà. Donc c'est. Je remercie encore Hicham Chadli, grâce à. Bon voilà. Et puis qui m'a aussi recommandé cette artiste oranaise. Contemporaine. Enfin non, le morceau est de 2004. يرسب اللي رفته بالغرق يخرجته والله ماني طاقيته وماني فهمي وينو يكرعيه طواله غادي دي لحقادية يجيبوه بالتحية يرايه ويتيته يرسب اللي رفته بالغرق يخرجته والله ماني طاقيته هاي دير عليا حدي عش بدلوه الشيريت يضرب في الكباريت هاي يضرب في الجيبي غادي تسته البيبي عمري وليدي عش دير عليا حدي عش بدلوه الشيريت يضرب في الكباريت يضرب في الجيبي غادي تسته البيبي وماني فهمي وين يرسب اللي رفته بالغرق يخرجته والله ماني طاقيته هذا روح ديني في ليدي سحرني هذا روح ديني ليدي سحرني هاي راني بالمونة شوفي خويا يا مو خويا تستاهل بيبي هذا عطل الارواح Yes, eh bien, on va se quitter là-dessus, hein, je crois. Si on disait juste que les femmes ont des voix d'hommes dans les morceaux de Rai. Du moins, c'est assez compliqué de définir si enfin, c'est une femme ou pas. Ouais, voilà, ouais. Enfin, là, ouais, c'est vrai. Donc là, on avait mettre... fait un bond en avant, en fait. On a un bond en avant, ouais, c'est 2015, ouais. Après, on peut revenir en arrière avec un morceau de Sheikha Remiti. Mmh. Ce qui est important de noter quand même, c'est l'utilisation du vocodeur dans le Rai qui a été peut-être le... Alors, autotune. Autotune, pardon. Exactement. J'ai une mauvaise manie de dire vocodeur pour l'autotune, qui n'a rien à voir. C'est proche, mais bon, bref. Oui, c'est pas le même instrument. Oui, oui. Non. Et c'est vrai que, bah, de nos mois, de mes oreilles, de petits français, la première fois que j'ai entendu de l'autotune, sans le savoir, c'était les morceaux de Rai qu'on écoutait... soit en zappant sur une radio, soit en tombant sur une chaîne de musique spécialisée, et que là-bas ça a toujours été très démocratisé. Ce serait intéressant de savoir à quel moment et pourquoi, mais là c'était un bel exemple d'autotune, yes. Une musique plus moderne. Bah, disons que ça suit la mode, on va dire. Ouais, mais alors ils ont commencé l'autotune, c'était pas la mode, hein. Il y en avait qu'eux qui le faisaient. Ouais. Je sais même pas si T-Pain faisait déjà de l'autotune quand le Rai algérien... l'utiliser très fortement, mais ça sera un autre sujet peut-être. Ça sera un autre sujet, on prochaine fera une émission autotune, ouais, ça marche. Merci à tous, on va se quitter avec Sheikha Remiti. Merci à toi, Nicolas. Le flux devrait basculer d'un moment à l'autre. Merci Nicolas, merci d'être venu. Merci à toi, je t'en prie. Et on pourrait rallonger un peu, on dit, oui, pourquoi pas. Mais pourquoi rallonger pas, une demi-heure. Ok, on rallonge une demi-heure. On rallonge, on peut mettre quelques morceaux. Oui, on a encore quelques morceaux. Moi, j'aimerais bien remettre un morceau de Drissi à la bassie. Bon, à allez, toi. C'est parti, à on toi va l'honneur. Longer une Sheikha Remiti, je ne dirai pas le titre. Voilà, donc une voix grave. Grave, voilà, très bien. On va continuer avec Cheb Abdellak. On retourne sur Cheb Abdellak. C'est une le même autre... album non, c'est une... tout à l'heure. Ah, non, c'est un autre album. Ouais, c'est une autre. Toujours chez Sedi Kav Bouarfa. Et on est sur le premier morceau de la track A. Bonne okay. écoute. Qui va mettre un peu de temps à venir, j'imagine. Toujours, le début est un peu long, mais... Quand on attend, c'est la cassette. On est récompensé. Merci Mabuzeki pour la rallonge. خاطر العجال ونور الدين خير خاطر الناس قنبيضة وليستو خاطر جمال وأسامة وحامل وكريمة السك يا ليلي ليلي ليلي هو يا ليل ويا ليل ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي يا ليل حبيبتي والله ما ننسى ولو تقطعي البحور قلبي ما زال يهواك حتى تفرقنا القبور بيبتي والله ما ننساك ولو تقطعي البحور قلبي ما زال يهواك حتى تفكرنا القبور الغربة هي أسبابك ابنت علينا الصور وسيدي كل أحبابك خليتي خصامي مهجور بيبتي والله ما ننساك ولو تقطعي البحور قلبي ما زال يهواك حتى تفكرنا القبور أتمني تباه نلقاك كان هجورك كيف الطيور بركك من الهجرة بركك واللي لحبيبك يا مغرور أتمني تباه نلقاك شورك كيف الطيور بركك من الهجرة بركك واللي لحبيبك يا مغرور حبيبتي والله ما ننساك ولو تقطعي البحور قلبي ما زال يهواك مغرور لا تلومينيش على حبك هذه الكتبة والمقدور قولي لي شكون سببك خليتيني مغرور حبيبتي والله ما ننساك ولو تقطعي البحور قلبي مازال يهواك حتى تفكرنا القبور. Ouais, c'est la. Ouais, je pensais que c'était la fin. Quelle mélodie, hein? Ouais. C'est pas du tout la fin. Ah ouais, c'est surprenant. Je pensais que c'était, ça allait repartir en solo. Et puis non, pas du tout. Ça s'arrête. C'est le petit solo terminal. Cheb Abdelhak, toujours grand chanteur. On sent que on voit, il y a une belle voix, il y a un refrain très catchy. Enfin, ce morceau, il est très facile d'approche. On le retient, on a envie de l'écouter. C'est vrai. Voilà, c'était un. C'est vrai. Heureusement qu'on a un peu plus de temps. Merci à ceux qui nous le permettent, en effet. Merci à ceux qui écoutent. Merci à ceux qui écoutent aussi. Ouais. Voilà, ben on va. Tu voulais mettre une cassette de compile, d'une compile Magre alors, Cassette Club. On a parlé de ce coffret CD qui s'appelle Maghreb Lyon, que vous pourrez retrouver, et ça on vous le conseille, chez une maison d'édition qui s'appelle Frémo et Associés, en collaboration avec le centre régional des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes, et il y a aussi CMTRA, donc Centre Musical Traditionnel fait Sofa Records de Lyon et Bongo Joe Records de Genève. Bravo. Qui ont également compilé des morceaux spécifiques à la scène Rhône-Alpes, notamment Lyon, l'Isère et un petit peu la Savoie, et qui ont Et le Rhône, oui, oui, parce qu'il y a Givors aussi. Voilà. Il ne faut pas oublier Givors et Saint-Étienne. Sûrement. L'idée, c'était de ne pas jouer cette compile, parce que c'est vrai qu'ils ont déjà fait un travail formidable de compilation, de recherche. Et forcément, les morceaux sont exceptionnels. Les cassettes originales sont très dures à trouver. En général, quand on les trouve, sont très chères, parce que voilà. Et il me semblait intéressant. Mais eux, ils les ont trouvés. Ah bah oui, forcément. Ils les ont compilés pour notre plus grand plaisir. Et il me semblait vraiment intéressant de jouer ce morceau de Nordin Staifi, qui lui était de la région chambéroise. Chambéroise, hein, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc Gultili Bye Bye, un morceau qui a été joué beaucoup, même récemment, qui a été réédité aussi par Antinote, le label parisien, il y a quelques années. Voilà, c'est catchy, c'est entraînant, il y a une belle voix, il y a des beaux synthés. Nordin Staifi. Gultili Bye Bye, sorti en 85. Bonne écoute. We'll be right back. Lumière de connaissance. Non, Stifi voudrait dire de Sétif. Voilà. Comme Abassi, à la Bassi de Sidi Belabès. Voilà. On en Stifi de Sétif. Je peux mettre un second morceau de Drissi à la Bassi. Allez, c'est parti. Donc on change. Là, c'est, je fais l'armée, je crois. خاطر عدتو البيجوت عمري عمري يا قلبي قلبي يا سنة كيفك الناس بنتهم في الليالي يا كم الله يرمي كم الله يرمي ونولي يا قلبي عمري عمري يا قلبي قلبي يا شرات شرت هزاف يا نغينا لخايط ركاب تمه كم الله أرمي كم الله أرمي عمري عمري يا قلبي قلبي يا ابني عمي ورويت منها انا بشلوك وايمي يا ابني عمي كم الله ارمي كم الله ارمي ولي عمري عمري يا قلبي قلبي عليا البحال يا انا مصروف كي ندير يا ابني عمي فيكم الله نارني فيكم الله نارني Non, je suis trop jeune. Objecteur, campus. Un camel l'armée. Voilà. Un autre morceau. Hein. Bon, il reste 5 minutes. Je pense que ce sera le dernier. Allez, un autre morceau de Cheb Zaouni. C'est parti, bien lo-fi. Zaouni. Yes. Sorti sur édition Boualem à Marseille. Début 90, cette cassette plus récent, un morceau un peu plus FM. Ah oui. Enregistré à Marseille, vraisemblablement. يا شحال تهديت وقلت لدراب وبغيت يا تسمع هاد الكلمة حتى نوصل ولي نهرب وفي كل خطوة تلقيني حشمة شحال تهديت وقلت لدراب وبغيت يا تسمع هاد الكلمة حتى نوصل ولي نهرب وفي كل خطوة تلقيني حشمة حلقة قلبي بزمان وصيف وهي بين يديها الماء اشتعلت ماري والقلب رهيب وما زال ماهي فاهمة en ligne, j'ai l'impression, mais bon, bref, ouais, bon on va pas tirer sur la corde. C'est reparti, ouais. En tout cas, un morceau de piètre qualité audio, mais oui, mais ça va, ça fait partie du. Voilà, donc Cheb Zaoui. Un morceau, je pense, qui a bien marché moi FM hein, aussi, qui a un petit riff de guitare, ouais, qui a un refrain, enfin un thème ou un refrain qui revient, qui est assez 17-2. Qui est assez catchy, qu'on aime bien. Voilà. Très bien. Alors on est plus sur le flux principal puisque on peut l'entendre. Les nuages. Voilà. Donc on peut dire pour la rediffusion, on peut dire au revoir. Ouais, voilà. Merci pour l'invitation, surtout Nicolas, je te remercie. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager avec toi ces cassettes et puis d'écouter aussi ce que tu avais préparé. Et pas grand chose, mais un peu, ouais. Et merci à ceux qui écouteront. Si ouais. Voilà, c'était un plaisir d'être ici. Et puis, Pas de problème. Longue merci vie à toi. Aux entretiens de Grenoble. Ouais, merci. Longue vie au rail et longue vie à la musique. Salut à tous les Cheb. Ouais. Ciao.